Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Guémozo, la radio locale et libre, libre et locale. Et cette radio, elle a démarré début janvier 1981. Eh oui, 42 ans qu'on essaye d'être libre, qu'on essaye. Hein. C'est pas toujours facile. Oui, tous les moyens d'information sont muselés de différentes manières. Hein. Il y a toujours moyen d'agir directement et indirectement. Et voilà. Enfin, bon. Alors, donc, ce soir, émission Mosaïque. Alors, au programme, eh bien, la vie de Lula, président du Brésil. Hein. Lula, président du Brésil, quelqu'un de vraiment... exemplaire, hein. Ah oui, comme Gandhi, comme quelques autres, pas très nombreux, des gens très courageux pour essayer de faire le bonheur des gens de leur génération. Alors, révélation sur les gourous de la santé. Alors, il y a des gros gains. C'est Blast qui nous donne quelques informations. Quand on prend des consignes à l'Élysée, on n'est plus journaliste. Vous vous rappelez qu'il y a eu une conférence, une réunion de journalistes. Vous savez, les fameux journalistes très influents, toujours présents sur les différentes chaînes de télé et autres. Eh oui, ben c'est ça, le pouvoir a besoin de complices. Sinon, il n'aurait pas le pouvoir. Hein. Ben oui, l'opinion se manipule. Les radios libres sont faites pour informer le plus objectivement possible les auditeurs et les auditrices. Les autres radios, les médias ordinaires, normaux, eux, ils sont pas là pour informer bien les gens. Ils sont là pour... Enfin bref. Alors, quand on prend ces consignes à l'Élysée, on n'est plus journaliste. Ensuite, le 8 mai 1945 en Algérie, Sétif. Et puis, l'Algérie, la guerre d'Algérie qui a duré 8 ans. Ah oui, De Gaulle est arrivé au bout de 4 ans. Les gens ont voté pour lui en pensant qu'il allait enfin mettre fin à cette guerre, mais il a fallu encore 4 ans avant qu'elle termine cette guerre. Beaucoup de morts, beaucoup de souffrances des deux côtés. Pourquoi ? Pour qui ? Pour une minorité. Une minorité d'exploiteurs, toujours pareil. Alors, les labos, Servier, par exemple, Mediator, Justice, Coupe-Fin, Paracétamol, voilà des noms qu'on a entendus à différentes reprises. Hein, oui, ça a traîné beaucoup, ça a tout... Ah oui, on touche pas au grand capitalisme international. Ah non. C'est sacré pour Macron et sa bande, et sa secte, sa clique. Ensuite, CGT, retraite, unité syndicale face aux journalistes de merde. Et oui, ça existe, hein. Oh, oui, en cherchant bien, je suis sûr que vous arrivez à en trouver un ou deux. CGT, syndicat, journaliste Larbin, et puis une petite revue de presse. Voilà, ce sera tout pour ce soir. On craint à un moment un nouveau coup d'État. Mais le prédécesseur de Lula, le président Fernando Henrique Cardoso, va peser de tout son poids pour assurer une transition démocratique et lui passe lui-même l'écharpe de président autour du cou. Mais pour une partie de l'élite, le passage entre un monsieur, un gentleman très bien inséré mondialement comme Fernando Henrique Cardoso et un monsieur comme Lula qui venait des profondeurs du Nord-Est a été vu comme un choc et comme une rupture dans les traditions hiérarchiques et aristocratiques du Brésil. Et donc là, Lula, je pense qu'il incarne dans la perfection les transformations sociales du Brésil. Le Brésil est un pays riche et développé, mais très inégalitaire. Quand Lula arrive au pouvoir, 30 millions de Brésiliens ne mangent pas à leur faim, comme dans un pays du tiers-monde. Les premières mesures du nouveau président seront donc les programmes d'alimentation Fome Zéro, Faim Zéro, et Bolsa Familia, bourse familiale, pour que la faim cesse d'être le problème numéro un du pays. Son idée centrale, c'est de garantir 3 assiettes de nourriture par jour à chaque Brésilien. Il disait déjà ça à l'époque du syndicat, et il l'a encore dit hier dans une interview qu'il a donnée à la télévision. L'idée centrale, c'est que le travailleur a besoin de vivre mieux. Juste ça. Il ne s'agit pas d'une idéologie de gauche, de droite ou du centre. C'est la trajectoire d'une vie. Un homme comme Lula, tout ce qu'il a fait pour nous, les pauvres, pour les femmes, pour les noirs, pour les gens des favelas, il a changé nos vies, la vie de millions de personnes qui, à l'époque du gouvernement de Lula, en ont fini avec le problème de la faim. Et Lula a aussi fait le plus grand programme de logement populaire. Ce qui manquait au Brésil, surtout, c'était la justice sociale. Et le gouvernement Lula a commencé vraiment à prendre des mesures pour réduire la pauvreté, réduire l'inégalité. Dans le passé, l'économie pouvait croître ou diminuer, n'importe. L'inégalité augmentait toujours. Et la première fois que l'inégalité a diminué au Brésil, c'était dans le gouvernement du PT, spécialement dans le gouvernement Lula. Il sait, pour l'avoir vécu, ce dont les gens ont besoin. Et je crois qu'il l'a traduit dans son gouvernement. L'accès au crédit, pouvoir acheter des choses, pouvoir manger mieux, pouvoir avoir une voiture, pouvoir laver sa voiture le week-end dans sa maison. C'est une chose que les Brésiliens aiment beaucoup. Faire un petit barbecue, pouvoir acheter sa petite maison, avoir une qualité de vie plus humaine, plus décente. Sous la présidence de Lula, ce sont ainsi 40 millions de Brésiliens qui vont accéder à la petite classe moyenne, ceux que l'on appellera les emergentes, les émergents. Un jour, pendant un voyage, nous étions en train de déjeuner tous les deux, et il m'a demandé, t'as déjà pensé à devenir président de la République ? J'ai été surpris et j'ai répondu, non, pas du tout. Et pourquoi ? Parce qu'il faut être fou pour vouloir être président de la République du Brésil. Il n'y a que des problèmes à récolter. Il m'a dit, pas du tout, c'est formidable. Et qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans ? Eh bien, tu peux résoudre tous les problèmes. Un autre problème déjà brûlant il y a 20 ans, que Lula va aussi tenter de résoudre, c'est la déforestation de l'Amazonie. Nous avons réussi, dans le gouvernement de Lula, dans lequel j'ai été ministre, à faire un plan de prévention et de contrôle de la déforestation de l'Amazonie. Ce plan a réduit la déforestation de 83% pendant presque une décennie. Il a évité de rejeter dans l'atmosphère 5 milliards de tonnes de CO2. Il a aussi été à l'origine, entre 2003 et 2008, la période où j'ai été dans le gouvernement, de la création de 80% des terres protégées dans le monde. Marina Silva démissionnera tout de même du gouvernement, car elle estimait que Lula n'allait pas assez loin en matière d'environnement, notamment en autorisant la construction du barrage géant de Belo Monte au nord du pays, pour l'irrigation et l'électrification de la région. Il y a toujours une tension au Brésil entre ce qu'on appelle l'agro-business, l'agriculture commerciale, et disons les soucis environnementaux et tout ça. Mais le gouvernement de Lula, justement, a montré que c'est possible de réconcilier une partie du Brésil qui était comme l'Inde et une partie qui était comme l'Australie, disons, en termes d'agriculture. En termes de culture aussi, Lula a tenté de concilier les deux faces du Brésil en nommant ministre un chanteur célèbre dans le monde entier. Quand Lula m'a proposé le ministère de la culture, il m'a dit, Gilles, je veux que vous alliez au ministère de la culture et nous serons un gouvernement du peuple brésilien. Nous représenterons une nouveauté dans la vie politique brésilienne. Allez-y, faites dans ce ministère ce que vous feriez sur scène. Comme une métaphore de la politique de Lula, le Brésil blanc va donc découvrir la musique métissée, tandis que les favelas vont découvrir la musique classique. Les mesures sociales du nouveau président ne l'empêchent pas de soutenir fortement l'économie. À l'image du succès emblématique de l'avionneur national Embraer, qui devient alors le quatrième constructeur aéronautique mondial. Dans la période de Lula, le Brésil a eu une croissance de 4,1% en moyenne. Et la dernière année, une croissance de 7,5%. Plus de 20 millions d'emplois formels ont été créés. La dette sur le PIB a été réduite de 60 à 39%. Le Brésil, qui était endetté auprès du FMI, est devenu créditeur. Et il a aujourd'hui une réserve technique de 300 milliards de dollars. Hoje tem uma reserva técnica de mais de 300 bilhões de dólares. Lula n'est pas d'extrême gauche. Il ne l'a jamais été. C'est un négociateur. Depuis l'époque du syndicat. Et il a apporté ça en politique. La force de Lula vient du charisme qu'il a avec les travailleurs, mais aussi avec les groupes dominants au Brésil. Cette capacité à se mouvoir entre deux univers extrêmement rivaux, antagonistes, et à construire des ponts qui puissent les réunir du point de vue de l'expérience électorale et de gouvernement, c'est une habileté très spéciale. Cette capacité à lancer des passerelles, on la constate aussi dans un autre secteur extrêmement sensible au Brésil, l'éducation. Lula multiplie par deux le nombre de places d'université. Et il veille à ce qu'elles profitent aussi à une population qui en était jusque-là totalement exclue. Dans le domaine de l'éducation, le gouvernement Lula a instauré une politique de quotas raciaux, socio-raciaux, où les fils des travailleurs et des travailleuses noires ont enfin eu accès à l'université. N'oublions pas que nous sommes un pays d'origine esclavagiste. N'oublions pas que les anciens esclaves n'ont pas eu de place dans l'économie, ni de place sur les bancs des universités, ni d'accès à des services publics de qualité. Le Brésil est un pays de majorité d'afrodescendants. C'est le deuxième pays avec la plus grande population noire après le Nigeria. Donc ce serait le deuxième pays africain au monde. Et cette politique des universités, elle a ouvert un débat, qui est un débat qui existe au Brésil depuis 20 ans, un débat extraordinaire sur la place des Afro-Brésiliens, des Brésiliens noirs, dans l'histoire et le futur du Brésil. Secretary General, please. La place des personnes d'origine africaine dans le monde, Lula va aussi la poser à l'Assemblée générale de l'ONU par l'intermédiaire de son ministre de la Culture, le chanteur Gilberto Gil. L'origine africaine du secrétaire général Kofi Annan est la raison pour laquelle je l'ai invité à jouer sur scène, d'une façon très spontanée et informelle, d'un instrument qui est typique de notre héritage africain. Un des tambours africains qui sont présents dans la culture populaire et musicale du Brésil, des Amériques et de tant d'autres parties du monde. Secretary General Kofi Annan on congas. Era o primeiro ano. C'était la première année du gouvernement Lula. Et cet acte à l'ONU a été très significatif pour son gouvernement, mais aussi très profondément pour lui. Personnellement. Para ele pessoalmente. Lula ne se limite pas à l'ONU, il renforce le groupe des pays émergents des BRICS, qui regroupe le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud, pour concurrencer les pays les plus riches du G7. Caros amigos, Xing e Zuma, as nossas realizações provam que temos motivos para olhar o futuro com otimismo. Ce n'est pas que la politique extérieure du Brésil, d'une façon générale, je parle, était mauvaise, mais il y avait toujours une certaine timidité. On ne peut pas oser faire ça. On ne peut pas oser être trop actif. Et la grande différence que je voyais avec Lula, c'est qu'on, à cause de ce qu'il représentait, c'est qu'on pourrait avoir une politique extérieure très active et très affirmative. Lula, good morning. Good morning. Lula. Señor presidente. Cela se ressent jusque dans l'attitude personnelle de Lula, qui ne semble pas plus impressionné que ça de côtoyer les grands de ce monde, y compris à la Maison Blanche. Je vous donne un exemple. J'étais assis avec lui quand on allait dans notre première visite officielle comme président, lui, à la Maison Blanche. Et j'étais à la voiture, dans la voiture avec lui. Et pour lui, c'était une chose tout à fait normale. Il n'était ni nerveux, ni impressionné parce qu'il allait... Non, c'était normal. C'était normal. C'était comme s'il était avant ici, quand il devait... avoir une négociation avec le président de Volkswagen ou de Mercedes-Benz du Brésil, c'est anormal. Espero que logo logo tenhamos um encontro no Brasil. We will have a meeting in Brazil. We have other marvelous things. Thank you, sir. George Bush est un républicain, un homme conservateur. Et Lula, en peu de temps, est devenu ami avec George Bush. Beaucoup de gens ne comprenaient pas ça. Il y a eu une réunion au Mexique, à l'intérieur du Mexique, à Guadalajara. Quand la réunion des chefs d'État des Amériques est finie, je vois qu'il reste juste Lula et George Bush qui discutent au fond du salon. Plus tard, j'ai demandé à Lula en quelle langue vous étiez en train de parler. En portugnole, il m'a répondu. Portugnol, c'est le mélange informel de portugais et d'espagnol. Et il m'a dit, mais t'es un ignorant. Bush vient du Texas, et au Texas, on parle espagnol. Donc nous parlions en portugnol. Et pourquoi vous riez tant, ai-je demandé. Ah, ça, je ne peux pas te le dire, ce sont des secrets de chef d'État. Lula est effectivement un chef d'État apprécié de ses pairs. Et après avoir conquis George Bush, il va séduire son successeur lors d'un sommet du G20 resté dans toutes les mémoires. Et Lula a toujours été très attentif à avoir un rôle international majeur, à s'approcher des grandes puissances, à montrer qu'il représentait le Brésil dans les grands cercles mondiaux. Parce que là, pour le coup, ça changeait la perspective de l'élite brésilienne. Parce que le jour où Obama il dit « This is the man, the most popular politician on earth », c'est un choc pour cette élite qui ne voulait pas reconnaître cet homme au pouvoir. Et donc Lula, il a toujours su jouer dans la perfection avec ses différentes dimensions. La dimension globale et la dimension très locale. L'intérieur du Brésil et les grands cercles diplomatiques. Et c'est comme ça que Lula finit son deuxième mandat avec une popularité record de 87%. Une popularité à faire rêver n'importe quel chef d'État. Mais après deux mandats, la constitution brésilienne ne lui permet pas de se représenter. Vous avez certainement déjà reçu des emails vous proposant des solutions pour perdre du poids, soulager des maladies cardiovasculaires, guérir Parkinson, Alzheimer, voire le cancer. S'ils semblent vouloir prendre soin de votre santé, leur but n'a rien de bienveillant. Nous avons identifié un empire de newsletters, essentiellement dédiés aux médecines alternatives, dont le but est en réalité d'alléger les porte-monnaies des malades prêts à tout pour guérir. Comment s'y prennent-ils? Quels risques font-ils prendre à leurs clients? Comment choisissent-ils leurs cibles? C'est ce que nous allons voir tout de suite sur Blast. Les businessmen du complotisme se cachent en Suisse pour s'enrichir. Derrière les parois d'un épais bâtiment de verre et d'acier, Modestement baptisée la Cité du marketing digital à Lausanne, 240 employés participent à l'envoi de lettres d'information dédiées aux médecines alternatives. Elles contribuent à répandre les théories anti-vaccins en vogue face aux questions légitimes que les politiques publiques et le lobbying de l'industrie du médicament inspirent. Pour y parvenir, ces entrepreneurs d'origine française font appel aux techniques du marketing direct. Le style est familier, le ton dramatique, avec des accents complotistes. Ces vérités sont toujours dissimulées. L'annonce de vente est toujours au rendez-vous. Des mois plus tard, le produit est toujours en ligne. 139 euros pour un protocole contre le cancer. Ces offres sont martelées par l'envoi d'emails à répétition. Objectif, faire payer au moins une fois le client pour pouvoir bénéficier du one click. J'explique. Si le client a déjà communiqué ses coordonnées bancaires sous la forme d'un mandat SEPA lors d'un précédent achat, il suffit qu'il clique sur un lien, par exemple dans un email, pour déclencher une nouvelle commande et être immédiatement débité. En ligne, les usagers sont nombreux à dénoncer ces prélèvements automatiques. Blast a recensé des dizaines de clients se plaignant de ce phénomène. Parmi les trois principaux canaux d'édition, Total Santé et Publications, Pure Santé et Nouvelle Page Santé, on découvre une cascade d'offres qui couvre l'ensemble des médecines alternatives. Naturopathie, médecine chinoise, méthode de jeûne, auto-hypnose, homéopathie. Au total, 9 newsletters promeuvent 41 formations différentes. Certaines visent les personnes victimes de maladies cardiovasculaires, de Parkinson, d'Alzheimer et sont particulièrement dangereuses pour ces publics fragiles. Pure Santé propose par exemple le protocole Mycosy. Cette méthode promet de faire baisser le risque de cancer de 93% à l'aide de remèdes naturels. Pour vendre ce produit, la lettre d'information dénigre la médecine traditionnelle. La coscopie, dédiée à diagnostiquer la présence de tumeurs, est comparée à un examen risqué, avec un danger de mort non négligeable. Ce discours peut inciter des malades à refuser un traitement thérapeutique éprouvé mais éprouvant pour choisir une solution présentée comme indolore. À l'origine de ces sociétés se tient un entrepreneur français, Vincent Larman. Homme de droite, catholique, libéral et conservateur, Vincent Larman a fondé en 2001 le groupe de pression réactionnaire SES Éducation qui dénonce le prétendu effondrement du système scolaire. En 2007, il a lancé l'Institut pour la justice, un second think tank qui milite, cette fois, contre le prétendu laxisme de la justice. Ses engagements ciblés ont attiré le feu des projecteurs sur ses méthodes pour faire prospérer ses associations. Acte 1, récupérer les coordonnées d'un public ciblé. Acte 2, lui adresser des lettres personnalisées suffisamment percutantes pour provoquer une réaction. Et enfin, acte 3, orienter la cible, une fois qu'elle a mordu à l'hameçon, vers des pétitions ou des dons. Un filon d'adresses mail et d'opinions que Vincent Larman a fait prospérer auprès de sociétés spécialisées dans la vente de bases de données. En 2012, Vincent Larman s'embarque dans une nouvelle aventure et fonde sa première maison d'édition, Santé, Nature, Innovation. Il profite de son répertoire d'adresses e-mail, plus d'un million selon nos informations, pour lancer sa première newsletter. Il y participe assidûment sous le nom de plume de Jean-Marc Dupuis. Aujourd'hui, SNI affirme être diffusé auprès de 850 000 lecteurs. Dans un enregistrement de juillet 2017 que France Info s'est procuré, Vincent Larman expose sa vision du monde à ses collaborateurs. Nous sommes un groupe d'amis, pratiquement une famille. Nous avons cette vision qu'il faut faire entendre des voix alternatives qui passent par des canaux alternatifs. Et qu'importe la véracité des informations diffusées. À ceux qui me disent « c'est n'importe quoi, c'est la théorie du complot, vous exagérez, c'est du populisme », je leur réponds « je vous emmerde ». Santé, Nature, Innovation prospère jusqu'en 2018, où une enquête de l'UFC Que Choisir révèle les coulisses de ce business. La société qui gérait les abonnements de SNI est mise en liquidation judiciaire. Des auteurs démissionnent. Mais le paquebot tangue sans sombrer. Une flotte de petites structures a déjà pris le relais, réunie au sein d'un nouveau navire amiral, Publishing Factory, l'usine de l'édition. Publishing Factory a été fondée en 2015 par Émeric Puech, bras droit de Vincent Larman. Son objectif, stabiliser l'entreprise, rationaliser son fonctionnement et centraliser ses forces techniques et informatiques. Un ancien salarié décrit à Blast. Avant, tout était regroupé sous SNI Édition. Maintenant, chaque revue a sa propre société. Si une lettre ne fonctionne pas, on ferme la société pour éviter d'impacter les autres. Avec un joli succès. Plus de 2 millions de clients auraient été fidélisés autour des entreprises partenaires. Changer l'étiquette et améliorer la méthode, c'est En somme, la logique suivie par Émeric Puech pour gérer son empire de newsletter. Comme l'a documenté Libération, cet ingénieur des ponts et chaussées est notamment le fondateur du site de pétition en ligne leslignesbougent.org. Ce site permet de récolter les noms, prénoms, codes postaux, emails et opinions des signataires. Il propose également de s'abonner à des newsletters de la galaxie de Publishing Factory. L'expertise des infolettres ne s'arrête plus à la médecine naturelle et Publishing Factory a pleinement investi un autre secteur lucratif, les crypto-monnaies. Les chéris, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin. C'est le cas notamment au travers de Vauban Éditions, qui propose des formules allant de 74 euros l'abonnement annuel pour Morning Bull jusqu'à 4000 euros pour sa formule l'investisseur crypto confidentiel. Mais la qualité des conseils dispensés serait déplorable selon les avis laissés par ses clients. Désormais, les sociétés qui profitent des techniques élaborées par Vincent Larman et des services de Publishing Factory sont créées par Magali Malveres-Pache et sa société fiduciaire Loralie. C'est à son adresse que sont domiciliés Pure Santé, Total Santé, les éditions Nouvelle Page et de nombreux autres newsletters. Le cartel des lettres d'information a également pris le virage de l'audiovisuel avec une nouvelle tête de proue, Rémi Ouattremez. Le jeune homme a ouvert en janvier 2022 une chaîne YouTube nommée Juste Milieu. Il y propose une chronique presque quotidienne où il décortique l'actualité politique, le mensonge en moins. Avec un certain succès, la chaîne compte aujourd'hui plus de 311 000 abonnés. Sa société Juste Milieu a elle aussi été fondée par Magali Malveres-Pache en novembre 2021. Aujourd'hui, elle est domiciliée à la Publishing Factory à Lausanne. Depuis que nous l'avons contactée pour éclaircir ses liens avec Publishing Factory, Rémi Ouattremez a changé en urgence l'adresse de sa société. Bel exemple de la synergie des lieux, le site internet de Juste Milieu relaie les publicités des autres poulains de la cité du marketing digital. Le vidéaste y a appris des méthodes efficaces. Certaines de ses émissions sont dédiées à faire signer des pétitions sur leslignesbougent.org, telles que, après le pass vaccinal, le pass énergétique, la pétition pour dire non. Il est l'heure d'une véritable mobilisation citoyenne, c'est pour ça qu'il y a un lien dans la description de la vidéo pour une pétition. Quant à Vincent Larman, il a quitté le devant de la scène, mais pas les coulisses de ses entreprises. S'il a liquidé Santé Nature Innovation le 10 mai 2022, il continue d'y écrire et d'envoyer des lettres d'information signées Jean-Marc Dupuis. Il a également participé au dernier team building annuel de Publishing Factory à Naples en juillet 2022. Pendant que les malades essaient des soins inefficaces, d'autres profitent de l'argent de leur détresse pour se payer du bon temps en Italie. Une enquête comme celle-ci nécessite du temps et beaucoup de moyens. Pour que nous puissions continuer de travailler en toute indépendance, nous avons besoin de vos dons. Pour nous soutenir, rendez-vous sur blast-info.fr. Merci et à bientôt. Ils ont troqué leur col marron contre un joli costume trois pièces. Ils ont troqué leurs idéaux contre un petit attaché et caisse. Citoyens de Paris, ma ville, la plage est loin sous les pavés. Vivez en paix, dormez tranquille, le monde n'est plus à changer. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur col marron pour une tenue plus libérale. Le vieux slogan du père Guizot est devenu leur idéal. Nos 68 arts en colère reprennent un refrain peu banal. C'est enrichissez-vous, mes frères,

des gens qui venaient d'être assassinés. Et nous sommes arrivés à la hauteur de chez la fleuriste lorsque son garçon, Amar, a ouvert une porte et nous a fait entrer pour nous mettre à l'abri. Vers 13h, les forces françaises reprennent le contrôle de la situation. C'est alors le début d'un soulèvement armé dans toute la région. Quand je suis arrivé dans mon village, j'ai vu le chauffeur de taxi de la douanier. Il criait « Au nom de Dieu, soulevez-vous, la révolte a éclaté ». Et il a pris la route du village des Amouchas et de Périgotteville en continuant à crier « Soulevez-vous, la révolte a éclaté ». La région de Sétif, puis plus loin, celle de Guelma, s'embrase, affolée par les rumeurs. Les paysans s'acharnent sur les symboles de l'État colonial. Tribunaux, mairies, bureau de poste. Au nord de Sétif, à Kerata, la population européenne prend peur et déserte le village. On a pris des bidons d'essence. On les a mis à la poste, au palais de justice et à la maison des Saxes. On a craqué une allumette et on a tout fait sauter. Les émeutiers sont arrivés et ils ont défoncé les portes du bureau. Quand ils sont rentrés dans le bureau, ben ma foi, ils ont mis des cartouches de dynamite et ils nous ont fait sauter. Au soir du 8 mai 1945, on relève 103 tués et 110 blessés parmi les Européens. Et la riposte française est massive. 40 000 hommes sont déployés dans le département. Des régiments entiers de tirailleurs embarquent pour l'Algérie. Les avions bombardent les villages et de la mer, les croiseurs tirent sur les douars rebelles. Dans la journée, on avait trouvé à un poste d'entrée dans le village 13 ouvriers agricoles avec des petites serpettes pratiquement en guenilles. Et dans les papiers qu'ils avaient étaient à peine lisibles, forcément. Et l'adjudant a pris ce prétexte, il a laissé partir les gars et il leur a fait tirer dessus. Beaucoup sont tombés à l'arrivée des militaires. Les soldats tiraient sur tout le monde. Les gens tombaient comme des raisins. À Guelma, en l'absence de l'armée, les autorités locales vont armer des milices civiles. Et certains de ces miliciens vont dresser des listes, arrêter des gens et massacrer aveuglément. Moi, le 8 mai 45, mon père m'en parle dès que je suis enfant, quoi. Et je me souviens, il me parle du 8 mai 45, je dis, bah oui, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais non, mais pas du tout, qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est pas que ça, c'est aussi le massacre des nationalistes algériens, c'est l'armée qui se déchaîne contre les populations, c'est les colons qui s'organisent pour mener une répression, c'est la Légion qui jette des Algériens dans les gorges, etc. Non, c'est le premier traumatisme de l'Algérie moderne, et c'est le premier traumatisme qui va en fait déclencher, 10 ans plus tard, la guerre pour l'indépendance. En métropole, c'est l'omerta. Personne n'évoque les massacres de Sétif et Guelma. Avant la censure, Albert Camus va être le seul à dénoncer le drame de Sétif, et surtout ses causes. Il faut dire que le général de Gaulle et son allié communiste Maurice Thorez gouvernent ensemble. Ils veulent étouffer le scandale. Alors on mène une enquête qui n'aboutira jamais vraiment. Raison d'État oblige. La répression des émeutes de Sétif et Guelma fera en 3 semaines, selon les historiens, entre 8 000 et 20 000 morts côté musulman. Quand j'avais passé toute ma petite enfance en Algérie, à l'école, mes camarades de classe étaient des petits Français, des petits pieds noirs, des petits Arabes, des petits Algériens. Et quand on a appris que le jour d'une manifestation en l'honneur de la paix, de la victoire, etc., on a appris qu'à Sétif, on avait tué des tas de gens. Alors, on a dit des centaines, on ne sait même pas combien de centaines, mais ce qu'on a appris tout de suite, c'est qu'il y en avait beaucoup.

dragoste nași plaiul, la la la la la. Pentru mine acolo e raiul, la la la la la la. Să duc ei la izvoare, la la la la la la. Mai la deal pe lăsătoare, la la la la la la. Hai, hai, să adun laptele în ciupără, la la la la la la la la. Hai, hai, și să storc așu de zără, la la la la la la la la. Noi vara la stână, la la la la la. Viața-i dulce, brânza-i bună, la la la la la la. Curge lapte lângă liată, la la la la la la. Fierbe balmoșu pe vatră, la la la la la la. Hai, hai, ca așa-i vara sus la munte, la la la la la la la la. Hai, hai, cu ciopan și cu voi multe, la la la la la la la. Munte n-alt munte de gheatră, la la la la la. Lasă-l pe Badea să treacă, la la la la la la. Pe cărări bătătorite, la la la la la la. Numai de ciuban știute, la la la la la la. Hai, hai, pe sun negri, pe sunore, la la la la la la la la. Hai, hai, sus la iezăr, la izvor, la la la la la la la. Hai, hai, că-i stă bine multe lui, la la la la la la la la. Hai, hai, cu Badea și turma lui, la la la la la la la la. Évidemment, le laboratoire Servier nie les charges qui sont portées contre lui, il veut se défendre également. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'escroquerie organisée? Pourquoi est-ce que les victimes en parlent, les parties civiles? Eh bien, tout simplement, peut-être par la façon avec laquelle toute cette affaire a commencé. Le lancement même du Mediator, il y a des décennies. Dans les années 50, il y a eu une nouvelle tendance avec des cachets pour perdre du poids. On appelle ça des anorexigènes. Eh bien, le laboratoire Servier, ce groupe, a lancé plusieurs types de cachets de ce genre. Et au bout de quelques années, eh bien, il a lancé également le Mediator. Mais le Mediator, qui est en fait la molécule benfluorex, c'est également un anorexigène. C'est un coupe-faim, mais vu qu'il y a eu à l'époque les scandales, on ne va pas prêter des intentions au laboratoire, mais il n'a pas lancé comme coupe-faim, mais comme anti-diabétique. Peut-être, on ne sait pas, hein, on sait que quelques années plus tard, les coupe-faim ont été interdits, car on a appris qu'ils étaient très dangereux. Dans les années 50-60, il y a plusieurs femmes qui sont mortes à la suite de la prise de tels coupe-faim. Et donc, les médecins se sont penchés sur cette question. Et donc, il s'agit de voir comment fonctionnent ces coupe-faim. Ces coupe-faim sont, en fait, ils comptent sur le fait que le cerveau, c'est écrit de la sérotonine dans le cerveau, et ceci donne une impression de satiété, et c'est pour cela que les femmes n'ont pas faim. Mais également, ceci crée des lésions et peut amener à des maladies cardiaques, des déformations cardiaques et pulmonaires. Et c'est un cheminement qui a été long parce que les médecins ont dû regarder pendant des années les faits qu'ils constataient sur le terrain. Ça n'a pas été simple. Et finalement, c'est seulement au bout de 33 ans qu'ils ont pu prouver au fur et à mesure des années que le Mediator était bien causeur et générait ce type de déformation. Et il fallait encore des années et des années pour que les agences de santé l'interdisent et que finalement un premier procès puis un deuxième procès ait lieu. Voilà, à la fin des années 90, on est donc plus de 20 ans après la mise sur le marché du Mediator, il y a une première mort qui est directement liée, en tout cas reconnue à la prise de cette substance. De plus en plus de médecins finissent par alerter sur le danger de ce coupe-faim. la plus combative, c'est sûrement sans doute le docteur Irène Frachon. Absolument, et elle voyait arriver dans son cabinet de nombreuses femmes, on l'a vu dans le reportage qui est passé il y a quelques instants, des femmes qui souffraient de valvulopathie. Elle voyait de plus en plus de cas, elle a analysé avec ses collègues les cas un à un, et puis ils ont remarqué qu'un grand nombre de ces femmes, une grande proportion de ces femmes, avaient pris eh bien, des coupe-faim, et notamment le Mediator. Et donc, le docteur a travaillé sur ces faits, apporté toutes les preuves aux agences de santé pour essayer de prouver tout ceci de façon extrêmement claire. Et elle a réalisé qu'en fait, les agences de santé avaient ces informations, que ça ne tombait pas de nulle part, parce qu'en fait c'est déjà depuis les années 70 que certains médecins commençaient déjà à alerter sur ce type de molécules. Depuis la fin des années 90, les médecins très sérieux avaient dit le Mediator est dangereux également, il faut faire attention. En plus, le Mediator, on a découvert qu'il n'était pas efficace contre le diabète. Il est supposé guérir ou en tout cas traiter le diabète. Il était utilisé uniquement comme coupe-faim. Et donc, il y a eu un détournement également de ce côté. Eh bien, ça a pris de nombreuses années. Et les médecins, eh bien, ils dénoncent des faits. C'est-à-dire que, alors que certains écrivent dans des revues et travaillaient sans relâche pour démontrer la nocivité de ces produits, eh bien, d'autres continuer à les prescrire, car les laboratoires servis ont un lien direct, et d'autres laboratoires également, un lien direct avec les médecins pour leur proposer bien tout leur panel de produits, et ils ont dit tous les effets positifs, sans évidemment dire les effets possibles négatifs de ces produits. Et les médecins qui alertent sur ces questions dénoncent également des liens entre les laboratoires et les hommes politiques, parfois les responsables politiques, et puis avec les agences de santé, puisque les agences de santé, pendant des années, n'ont pas eh bien, interdit ce produit alors qu'elles avaient été alertées sur cette question. D'ailleurs, des règles ont été mises en place depuis pour limiter justement les pouvoirs et ce que peuvent faire les laboratoires. Un mot de ce que demandent aujourd'hui les partis civils. Il faut saisir tous les bénéfices que Servi a obtenus grâce au Mediator pour ces partis civils. C'est une question de principe. Oui, pour que ça marche, il faut que les laboratoires ne gagnent rien s'ils commettent ce genre d'actes. C'est ce qu'estiment les partis civils. En effet, le laboratoire a dû payer en compensation 180 millions. Il y a eu une amende. Mais en tout, il a gagné plus de 700 millions pendant ces 33 ans. Et donc, les partis civils estiment qu'il faut tout prendre. C'était évidemment le chiffre d'affaires, plus de 720 millions. Ils estiment que tous les profits doivent être pris et saisis chez Servier. Merci beaucoup, Charlie Sidbon. C'était le billet science du jour. Un petit diabétique vendu comme coupe-faim aurait provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes. Pénurie. Pour éviter cette situation, les autorités souhaiteraient que l'on produise plus de paracétamol en France. Mais selon les laboratoires, il faut pour cela augmenter son prix, car le produit n'est pas rentable. Saada Souman, Julie Longchamp et Michel Onglade. C'est l'une des rares usines de paracétamol en France. 265 millions de boîtes produites en 2022. Une cadence maximale. Nous sommes sur une ligne de production d'Efferragan d'Apalgan qui tourne à plein 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Face au manque de paracétamol, le gouvernement veut augmenter la production. Mais selon les laboratoires, le problème c'est le prix, strictement encadré par l'État. Pour une boîte de 8 comprimés 1000 mg, la marque touche 76 centimes d'euros. Trop faible selon l'industriel, qui milite pour en augmenter le prix. En termes d'équation économique, on ne peut pas s'y retrouver. Pour éviter que les médicaments soient produits à l'étranger et qu'ils restent bien en France, eh bien, il faut absolument revaloriser leur prix. Pour sécuriser la production, le ministre de l'Industrie prévoit des discussions avec les géants pharmaceutiques. On va mettre en place une mission de remise à plat du processus de fixation de prix des médicaments. On doit réindustrialiser la France de la santé. Augmenter les prix de vente des médicaments, une erreur selon certains économistes. Ce sont soit les patients qui vont directement subir ces augmentations, soit les organismes de sécurité sociale. Et donc ça va peser sur les ménages, in fine, soit en termes de fiscalité, soit en termes de cotisation sociale, pour grossir les profits des firmes. Des craintes que ne partage pas l'Allemagne. Pour assurer son approvisionnement, le pays a augmenté de 50% les prix de vente de certains médicaments. Attention. Thank you. qui intervient en amont dès que des signaux d'alerte, et il y en a souvent. Par exemple, il aurait fallu faire quoi, par exemple? Déjà, premièrement, se mêler dès que les syndicats, et il y en a dans l'entreprise, alerte. La CGT notamment. Alerte, eh bien, il faut, j'allais dire, tirer l'oreille, et plus que ça, des employeurs qui ont gagné beaucoup d'argent, parce qu'ils en gagnent beaucoup, et puis quand ils en gagnent un peu moins, la solution, c'est de dire, vous comprenez le contexte. Alors, vous parlez des employeurs, mais il y a aussi les actionnaires. C'est l'un des plans sociaux les plus importants des derniers mois. Les syndicats, les salariés demandent une prime supralégale, c'est-à-dire une prime de licenciement, on va dire, de 100 000 euros. Apparemment, les actionnaires ne répondent pas. L'État, donc, là, en l'occurrence, doit-il intervenir pour faire pression sur les actionnaires? Premièrement, c'est je comprends que dans un tel désarroi, la solution qui apparaît la plus simple pour les salariés, c'est de demander une supralégale, même si ça ne règle pas les problèmes d'emploi et la question. Oui, l'État doit intervenir. C'est-à-dire qui, en l'occurrence, le ministre du Travail? Le ministre de l'Économie, par exemple, demander à quoi ont servi les nombreuses aides qu'a dû toucher cette entreprise et toutes les entreprises, à quoi elles ont servi. Vous voyez, demandez clairement à Bruno Le Maire d'intervenir dans ce dossier. Évidemment, on a cette entreprise, comme beaucoup d'autres, touche de l'argent public. On leur demande jamais aucun compte. Et puis quand ça se passe, on dit, oui, vous comprenez. Et sur la prime de 100 000 euros, est-ce que le ministre de l'Économie ou le ministre du Travail, je ne sais pas, doivent intervenir personnellement, appeler les actionnaires en disant, il faut verser ces 100 000 euros? Je connais pas les procédures, j'ai jamais été ministre. Mais en tout cas, oui, il faut que le ministre de l'Économie, voire la première ministre, appelle les actionnaires, parce que eux ont dû toucher beaucoup, beaucoup d'argent, qu'ils rendent cet argent. Mais on doit poser, parce que les supralégales, c'est la solution de désespoir, on doit poser la question en amont. On va parler des retraites. Toute une histoire, les retraites, et c'est pas fini. Il y a 40 ans, François Mitterrand avait mis en place sa promesse, la retraite à 40 ans. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, le gouvernement veut faire passer à 60 ans la retraite. C'était il y a 40 ans. Le gouvernement veut faire passer l'âge de départ à 64 ans. Ça, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Entre les deux, il y a eu d'autres réformes, d'autres manifestations aussi. Est-ce que 2023 sera dans la même veine? C'est bien la question qui est posée. Retraite à 60 ans. Vieille revendication ouvrière, pour laquelle il y a eu beaucoup de défilés, beaucoup d'actions, même des grèves, va entrer dans les faits le 1er avril 1983. Lente conquête, après 37 ans et quelques de travail, enfin vivre! On ne peut rien faire parce qu'il y a de quoi faire sauter 5 ou 6 gouvernements. Que si l'on s'attaque au problème des retraites, à la solution de ce problème, eh bien nous l'avons fait. Nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans. On est motivé et on tiendra. Ouais ! Nous avons pensé que 62 ans était, au fond, l'âge le plus efficace, à la fois socialement et à la fois économiquement. Cette loi, elle est contre tous ceux qui ont des travaux pénibles, et tous, c'est vraiment le bas de l'échelle qui dérouillon le plus. J'aime travailler, mais... faut quand même pas abuser, je veux dire, on va arriver à la retraite, faudrait pas qu'on soit en fin de vie. L'allongement de la durée de cotisation sera progressivement porté à 43 annuités. Il y a le fameux sujet de l'âge légal. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. La droite française a toujours assumé, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, de réformer les retraites pour sauvegarder notre système par répartition. Du temps libéré pour soi, pour les siens, pour les autres, c'est le sens du progrès social qui se combine aujourd'hui à l'urgence écologique vers la réduction du temps de travail. Alors, Madame la Première Ministre, renoncez. Toutes les organisations syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. 12 ans que ça n'était pas arrivé. Et je ne suis pas sûr qu'en 2010, d'ailleurs, le front syndical était aussi large. Pour les syndicats, c'est un appel à la responsabilité, bien évidemment. Il y a un droit de grève, il y a un droit de manifester. Et je pense que c'est important aussi de ne pas pénaliser les Français. Le gouvernement attentif, à l'écoute, devrait se dire, oula, s'ils sont tous ensemble, c'est qu'il y a un problème et que cette réforme, elle n'est vraiment pas bonne. Alors Philippe Martinez, c'est reparti pour un tour jeudi prochain avec des appels à la grève et aux manifestations contre la retraite à 64 ans. Les syndicats tous ensemble, ça rappelle un vieux slogan. C'est une bonne nouvelle pour vous, ça d'abord? C'est une surprise même? C'est pas une bonne nouvelle pour moi. C'est une bonne nouvelle pour le monde du travail. Est-ce que ça vous a surpris? Parce que dans le passé, la CFDT n'était pas toujours avec vous. Oui, oui, mais parce que tout le monde sait qu'on n'est pas toujours d'accord sur un certain nombre de choses. Mais il faut travailler pour que ce front syndical uni puisse se produire chaque fois que nécessaire. Et quand il y a une telle mesure, telle réforme aussi grave, je pense que c'est un très bon signe que l'ensemble des syndicats soient réunis. Alors très bien. Mais vous dites qu'il y a parfois des divergences. Est-ce que là, par exemple, sur les retraites, il y a des divergences de vues entre la CFDT et la CGT, par exemple? Sur les modalités, sur ce qu'il faudrait faire, oui. Et vous le savez, on l'a vu en 2019-2020. Mais on est d'accord pour dire que la mesure à prendre, ce n'est pas de reculer l'âge de départ à la retraite. Mais quand on entre dans les détails, ça pourrait être différent. Je vous dis que sur la déclaration commune, elle est claire. Pas de report de l'âge légal et pas d'augmentation de la durée des cotisations. Voilà, ça, c'est le ciment de cette unité syndicale et il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre nous. Mais ça peut tenir longtemps, cette unité? Mais tant que la réforme ne sera pas annulée, ça tiendra. Parce que Laurent Berger, lui, dit dans Ouest France aujourd'hui qu'il n'est pas pour une logique de pur affrontement avec le gouvernement. Vous, est-ce que vous êtes dans une logique d'affrontement avec le gouvernement? Mais je sais pas le détail de sa phrase. Exactement ça, ce que je viens de vous dire. Oui, mais là, le sens de cette phrase, ce que je sais... Est-ce que vous êtes, vous, dans une logique d'affrontement avec le gouvernement? Pour l'instant, et c'est pour ça qu'il y a des manifestations et des grèves, c'est une logique d'opposition au gouvernement. Alors, on peut l'appeler comme on veut. C'est une logique d'opposition par rapport, je vous le répète, à une réforme qui est injuste, inégalitaire et qui est doctrinaire. Est-ce que vous diriez doctrinaire, inégalitaire? Diriez-vous, parce que ça ressemble un peu à la réforme Sarkozy, Fillon, oui, Weber, oui, de deux ans noté. Plus, est-ce que vous diriez de ce fait que c'est une réforme de droite? C'est évident que c'est une réforme de droite, puisque les principaux interlocuteurs de Madame Borne, c'est pas les syndicats, c'est les chefs de file du parti Les Républicains. Mais je voudrais préciser, parce que il y a eu plusieurs réformes, vous l'avez bien souligné, à chaque fois depuis Balladur 93, à chaque fois on nous a dit c'est la dernière pour sauver. Et ben ça fait beaucoup de dernières. C'est toujours la même recette et ça ne règle rien. La preuve, c'est qu'on nous fait à chaque fois le coup. Alors à J-4 de la journée de mobilisation jeudi, une majorité de Français dans tous les sondages disent qu'ils sont contre, très majoritairement. Et notamment les jeunes. La pétition contre la réforme des retraites dépasse les 300 000 signatures, à ma connaissance. 334 000 à 11h15. À 11h15, avant de venir ici. Change.org, pétition intersyndicale. À partir de là, est-ce que vous pouvez dire que la mobilisation sera forte jeudi? Oui, il y a la pétition, mais il y a les contacts que j'étais en déplacement jeudi dans l'Aube, par exemple. On voit bien que j'ai rencontré des salariés du textile, des femmes qui me disaient, mais on est déjà cassé à 50 ans parce qu'on veut pas travailler jusqu'à 64 ans. Tout le monde a bien perçu que cette mesure, elle est injuste. Donc oui, il y a tous les ingrédients pour que cette mobilisation soit très très forte. Daniel Roussel, numéro 1 du Parti communiste, dit aujourd'hui dans le Parisien, soyons 1 million. Ce serait bien. Je pense qu'on peut être plus, ça sera encore mieux. Non mais on peut ou vous êtes sûr que ce sera plus? En tout cas, on fait tout pour que ça soit plus. Vous pensez, vous? Mais j'ai pas un compteur, vous voyez. Mais quand non, on mais voit, vous avez des capteurs. Voilà, donc les capteurs, c'est le nombre de cars qui sont commandés pour aller aux manifestations. C'est des préavis de grève, parce que c'est indispensable dans les services publics et dans les transports, qui sont déposés depuis longtemps de façon unitaire. C'est beaucoup de salariés qui nous appellent comment on fait grève, parce que malheureusement... Tout le monde n'a pas l'habitude. Tout le monde ne sait pas comment on fait. Oui. Et puis, d'ailleurs, je compte sur la pédagogie des journalistes pour dire que dans le privé, il n'y a pas besoin de préavis. Donc, au vu de ce qui vous remonte... Ça sera une très forte, très très forte mobilisation. Mais dans quel... plutôt 1995, plutôt quoi? J'ai pas les chiffres. Il faut que ça soit du niveau de 95. Mais même en 2010, il y a eu de très grosses manifestations. Mais il faut aussi des grèves. Il faut aussi des grèves. Pour ceux dont c'est facile pour personne de faire grève. Mais quand on est précaire, intérimaire, c'est encore plus difficile parce que c'est son emploi qui est menacé. Donc il faut qu'il y ait des grèves dans les entreprises, publiques et privées, c'est ce qui va se faire. Et puis du monde dans les manifestations parce que les images, vous ne pouvez les faire que dans les manifestations. Régulièrement, ces dernières années, justement, les manifestations ont été marquées par des violences. Les Black Blocs, par exemple. Pouvez-vous assurer les Français qui veulent manifester qu'ils seront en toute sécurité? Et c'est à Monsieur Darmanin qu'il faut poser la question, c'est pas à moi. Hein. C'est lui le ministre de l'Intérieur. Nous, on organise les cortèges et on fait en sorte que ça se passe bien dans les cortèges. Les problèmes que vous citez, c'est toujours été en marge des cortèges. Donc c'est à Monsieur Darmanin qu'il faut poser la question. Donc, vous posez la question, mais vous demandez aujourd'hui quoi au ministre de l'Intérieur? Moi, je lui demande rien. Moi, je demande aux salariés, aux travailleurs, aux travailleuses de venir manifester. Non, mais sur la sécurité, j'entends. C'est sa responsabilité. S'il y a des débordements, ce sera sa responsabilité. C'est lui le ministre de l'Intérieur. Donc s'il y a des débordements, ce sera sa responsabilité. C'est lui le ministre de l'Intérieur. On va revenir au fond maintenant. Oui. Le gouvernement dit qu'il faut cette réforme pour sauver le système actuel. Vous avez dit on en a vu d'autres comme ça qui ont fait ça dans le passé. C'est la vérité, c'est la réalité. Hein. D'abord sur le constat, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un problème de déficit du système des retraites? Tiens, il y a un problème d'équilibre, oui. Mais le gouvernement et la première ministre accentuent, veut faire peur. C'est 3% du total de l'enveloppe accordée au régime de retraite. Vous savez très bien, on n'en parle jamais, mais que la dette privée, c'est-à-dire la dette des entreprises privées, est largement supérieure et personne ne remet en cause les actionnaires ou la gestion. On leur donne même de l'argent, vous voyez? Et ça, personne n'en parle. Alors, est-ce que vous diriez qu'il y a un problème de financement, mais de déficit? Il y a un problème de déficit. Non, mais qui n'est pas grave. 3%. 3%. Oui, mais il y a un déficit réellement. 3%. Je ne vais pas vous le dire. Non, mais d'accord, mais il y en a un, vous le reconnaissez. Par contre, au-delà de ça, il y a un problème, il y a d'autres problèmes. C'est la question de l'emploi des seniors. Comment on règle ça? Alors justement. L'égalité entre les femmes et les hommes. Comment on règle ça? La jeunesse qui va être obligée de partir à 67 ans. Comment on règle ça? Parlons de l'emploi des seniors. Parlons-en. Parce que 56% des plus 55 ans travaillent. Seulement 56%. Oui. Le gouvernement veut mettre en place un index pour aider les entreprises à garder les plus de 55 ans. Est-ce que vous vous dites qu'il faut les obliger à garder les plus de 55 ans? Oui, il faut les obliger. En tout cas, il faut mettre des mesures. Moi, j'ai cité des exemples d'une entreprise que je connais bien, la mienne. Renault. Où tous les ans, mais c'est beaucoup dans les grandes entreprises, où tous les ans, il y a des départs volontaires, entre guillemets, des salariés seniors. Pourquoi ils ne restent pas jusqu'à l'âge légal? Parce que ça ferait des cotisations et des chômeurs en moins. Qui finance ces départs? Les actionnaires en laissant un peu de leurs dividendes ou l'argent public, c'est-à-dire nos impôts? J'attends les réponses de la Première ministre, je n'en ai pas. Quelles contraintes il faut imposer aux entreprises pour garder les seniors? Il faut refuser ces pseudo-plans de départ volontaires qui sont des licenciements. Et puis, par contre, il faut s'intéresser à la question du travail. Pourquoi à partir de 56, 57 ans, mais parfois bien avant, il y a un problème et que nous avons très bien matérialisé de salariés qui disent « j'en peux plus, je veux partir ». Mais vous dites qu'il faut refuser ces licenciements ou ces départs, plus ou moins. C'est les refuser comment? Il faut les interdire aux entreprises? Bien sûr, il faut interdire dans la loi. Parce qu'ils ne sont pas justifiés. Il faut les interdire dans la loi. Oui, parce qu'ils ne sont pas justifiés. Mais dans la loi où, vous savez, quand il y a de tels plans, le ministère du Travail doit donner son avis, par exemple, donc il n'y a pas besoin de loi. Il suffit de dire « non, ça ce sont des plans de licenciement ». Masqués, cachés, parce que vous virez, entre guillemets, les plus vieux qui sont les moins mal payés, vous en virez trois, vous embauchez un jeune qui est beaucoup encore moins bien payé et vous faites des économies. Mmh. Voilà. Mais alors, tout le monde le sait, ça. J'étais en face de la Première ministre, je lui ai mis sous le nez, c'est le cas de le dire, ce type d'accord, et y compris comment on interpelle individuellement les salariés pour qu'ils s'en aillent. Alors, les retraites sont financées, on le sait, par les cotisations sociales. Oui. François Bayrou, qui est membre de la majorité au commissaire au plan, propose lui d'augmenter de 1 point les cotisations retraite des entreprises pour abonder ce budget des retraites. Elisabeth Borne, première ministre, hier sur France Inter, n'a pas fermé la porte. Ce serait une avancée? Évidemment qu'il faut qu'il y ait une plus grande contribution des employeurs, et notamment, je vous l'ai dit, des grandes entreprises. Mais 1%, c'est pas assez. C'est un début. Ce serait une avancée. C'est un début, mais il faut aussi vérifier toutes les... Parce qu'il y a déjà beaucoup d'exonérations de cotisations sociales, vous le savez, jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Il faut aussi, faire le ménage dans ces exonérations de cotisations. Il faut même les abandonner, ces exonérations? Oui. Parce que il faut que, dans un système solidaire, il faut que tout le monde contribue. Or, Le principe de la réforme proposée, c'est que seul le monde du travail va cotiser plus longtemps et les employeurs sont épargnés. Donc vous vous dites aussi, aujourd'hui, les aides, les exonérations de cotisations sociales aux entreprises, il faut arrêter ça. Bien sûr. Ce sont, premièrement, moins de cotisations pour la sécurité sociale en général. Et puis, vous le savez, ce sont des trappes à bas salaire. Parce que quand on est exonéré de cotisations jusqu'à 1,6 fois le SMIC, eh bien, on ne dépasse pas ce seuil pour rester en dessous et ne pas payer de cotisations. C'est une espèce de fin de quoi qu'il en coûte, comme le propose Bruno Le Maire, finalement. Il a dit c'est la fin du quoi qu'il en coûte. C'est pas la fin du quoi qu'il en coûte. Enfin, c'est tout ce qu'il en coûte à tout le monde. Mais pas uniquement au monde du travail. Ouais, la nuance. On va accueillir Olivier Pérou, journaliste politique à l'Express. Aujourd'hui le deuxième syndicat de France derrière la CFDT. Est-ce que vous avez définitivement perdu votre couronne? En parlant de couronne, c'est l'audience aux élections, parce que je ne suis le roi de rien, n'est-ce pas? Écoutez, il y a des choses qui se mettent en place. Je considère que ça ne va pas assez vite, parce que le plus gros problème de la CGT, c'est de pouvoir être sur l'ensemble des entreprises qui font partie de ce corps électoral, et vous le savez très bien, le manque d'implantation des syndicats en général, et de la CGT en particulier, fait que... Dans le privé, vous voulez dire? Non. Y compris dans le public. Fait que, on a on part avec un handicap. Vous le savez très bien, mais je vais vous le rappeler. Dans les entreprises, contrairement à la vie politique, il faut qu'il y ait un syndicat d'implanté dans l'entreprise pour avoir des bulletins CGT, des bulletins syndicaux. Mais... aux élections présidentielles, même s'il n'y a pas de représentants dans un village de tel ou tel parti, il y a quand même un bulletin. Vous voyez, la nuance est importante. Donc il faudrait des élections comme en politique, des élections nationales où un jour dans l'année, tout le monde puisse voter, tout le monde puisse utiliser les bulletins. Et choisir son syndicat. Exactement. Il y a une image qui a été très marquante cette semaine, mardi, lors de l'intersyndicale, c'est Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui a donné le tempo, qui a appelé aux manifestations. C'était du jamais vu, c'est en 50 ans, d'habitude c'est la CGT qui fait ça. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi de votre bilan et d'une partie de votre échec à la tête de la CGT ? Que l'ensemble des syndicats et que Laurent Berger, représentant du... Et pas vous ? Représentant du premier syndicat en France, appelle à manifester et à faire grève, je trouve que c'est une belle symbolique pour le monde syndical uni. Alors, justement, les syndicats aujourd'hui sont concurrencés, on l'a vu notamment en décembre, lors des manifestations et des grèves à la SNCF, ils sont concurrencés par des mouvements qui sont venus de la base un peu et que sur lesquels les syndicats n'ont pas forcément la main. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil ou est-ce que ça vous inquiète ? Je ne crois pas qu'il y ait eu de concurrence entre le mouvement des contrôleurs et les organisations syndicales, puisque vous le savez là aussi très bien... Vous avez été débordé, admettez-le un peu. Vous le savez aussi très bien, à la SNCF, comme dans nombreuses entreprises publiques, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut déposer des préavis. Et qui dépose les préavis ? Les syndicats. Donc après, il y a besoin que les syndicats soient bien au contact de l'ensemble et de la diversité du monde du travail. Donc il faut qu'on fasse des efforts. Mais vous n'avez pas été dépassé par une certaine radicalité, justement, non, dans ce collectif, il y avait des syndiqués. Mais je continue ce que je vous disais. Donc il faut qu'on soit au plus près des salariés. Mais en même temps, vous devriez le rappeler plus souvent. Il y a eu des ordonnances Macron qui a réduit de 40%, notamment à la SNCF, les délégués de proximité. Donc pour qu'on soit... plus au contact des salariés, il faut remettre en place ces délégués de proximité qui sont à l'écoute des diversités, des problèmes. C'est ce qui s'est passé. Alors, revenir à la réforme des retraites. La réforme des retraites, on l'a dit, ça va être l'heure de vérité pour les syndicats, mais ça se joue aussi à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce débat, justement, au Parlement ? les journaux Vosges Matin du jeudi 9 février, par exemple, 2023. Le plan américain est un défi lancé à l'Europe. Président de France Industrie et PDG de Holot Group SA. Et oui, et le chômage va augmenter en France et en Europe. Dans ce monde qui change, l'Europe doit écrire une nouvelle page de son histoire, si elle veut rester un acteur majeur dans une économie et une industrie mondiale. Alors, réindustrialisation, la souveraineté et la décarbonation de notre économie puissent être développées en Europe. S'il y a une bataille, elle est entre les États-Unis et la Chine, disent-ils. Ce plan est un défi pour le lancer à l'Europe, un peu plus loin. Je lis qu'une ligne de temps en temps, hein, vous comprendrez bien. Hein. Ben oui, la réponse est c'est d'en comprendre toutes les conséquences sur l'économie mondiale. Toutes les conséquences sur l'économie mondiale. C'est une petite ligne, mais une ligne très grave, très, très grave. Et oui, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Philippe, 58 ans, ça a des conséquences dramatiques. Philippe, 58 ans, c'est la première fois de ma vie que je manifeste. Je proteste contre la réforme des retraites pour moi et pour les autres. Confie Philippe dans le cortège de manifestants à Saint-Dié, en levant avec fierté sa pancarte sur laquelle il est écrit « Carrière longue, injustice ». Voilà. Les salariés vont debout contre la suppression des régimes spéciaux. Je suis allé au cortège à Paris en janvier. C'est la première fois de ma vie que je manifeste. Je le fais pour ma situation, mais aussi pour celle des autres, qui sera encore bien plus compliquée que la mienne. Eh oui. Il y a autre chose à faire que partir à 64 ans. À un moment, le corps dit non. Être solidaire avec toutes les générations. Je ne me vois pas faire court à cet âge-là. Etc. Voilà, les gens, ils ont de bonnes raisons de manifester et de faire grève. Alsace, batterie lithium, 3 centrales géothermiques en projet. Tiens, on pouvait pas faire des centrales géothermiques quand il y avait encore des centrales nucléaires. Enfin, quand on était encore en train de compter sur les centrales nucléaires. Et maintenant, les centrales géothermiques en projet. Fait fort d'un premier succès conjoint à l'échelle expérimentale, Électricité de Strasbourg et le groupe minier français Eramet veulent produire du lithium à partir d'eau géothermale. Pour atteindre leur objectif, 3 nouvelles centrales de géothermie profonde pourraient voir le jour en Alsace du Nord. Tiens, géothermie. Ah, c'est une idée, ça. Bon, ça fait plus de 40 ans que ça existe, hein. Oh oui. Mais bon, il fallait pas en parler. Ah ben, les journaux étaient priés de ne pas parler de ces choses-là et de la télé, etc., etc. Ah ben oui, si les citoyens, les électeurs sont informés, ils risquent de mal voter. Alors, voilà. Les chiffres de cette mobilisation qui demeure unitaire à l'appel des 8 principaux syndicats, CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaire, FSU, n'en reste pas moins impressionnant. Au total, plus de 200 rassemblements dans le pays ont réuni près de 2 millions de personnes, selon la CGT, contre 2,8 millions le 31. Les chiffres. Les moyens d'information, ou de désinformation, ou de déformation. Les syndicats unis invitent à interpeller les députés et sénateurs. Les syndicats unis invitent à interpeller les députés et sénateurs et à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales. Défilé et ambiance kermesse jusqu'à quand? Alors ça, c'est un journaliste, si un jour la gauche arrive au pouvoir, il va falloir faire un tri dans les journalistes. Eh oui, parce que le monde des journalistes, c'est comme le reste de la société. Il y a les résistants et il y a les collabos. Eh oui, si en 1945 on avait fusillé tous les collabos qui méritaient d'être fusillés, la société française serait radicalement différente actuellement. Eh oui. Ah ben oui, la justice, c'est pas le tout d'en parler. Manifester, c'est la seule façon de dire que nous ne sommes pas d'accord. Si le gouvernement ne bouge pas, il faudra envisager des blocages plus gênants, résume Gabriel avec calme mais détermination. retraitée de la santé depuis le 1er janvier, elle est venue en famille avec son époux et sa fille adulte. Mardi dernier, le couple battait déjà le pavé parisien avec son fils, qui cette fois n'a pas pu faire grève. Ils remettront ça samedi pour la 4e journée de mobilisation nationale. Pour l'instant, on manifeste notre mécontentement de manière républicaine, abonde Ludovic, 42 ans, dans la police de Seine-Saint-Denis. 42 ans dans la police. Car si les policiers se mettent à manifester, c'est que la société va vraiment mal, hein, parce que c'est quand même pas les premiers à manifester. L'Union fait la force, s'il faut faire grève des PV pour se faire entendre, pourquoi pas? Oh là là là là! Oh, grève des PV et Macron, il a cherché l'argent où? Alors, à un moment, il va falloir taper du poing sur la table par un blocage général. Nous sommes trop sages dans l'éducation nationale. Point d'exclamation. En 1995, je saute quelques lignes, hein, je vais au principal, hein, bien sûr. En 1995, nous avions bloqué les centres de tri. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la retrouver. Ambre, 21 ans, est dubitative. La retraite, je ne sais pas si on la verra, mais cette réforme, c'est n'importe quoi. Voilà. 790 € de plus pour le chariot de course en 2023. Inflation galopante depuis un an fait exploser le prix des produits alimentaires, hygiéniques et d'entretien dans les grandes surfaces. Conséquence, les Français pourraient débourser 790 € pour leurs courses en 2023 par rapport à 2021, explique une étude de Nielsen IQ. Nielsen IQ. Alors, il y en a un qui a ajouté au crayon, à côté, Was ist das? Was ist das? Comme on dit dans les radios libres et dans les radios locales, hein, on parle que en anglais, Was ist das? Alors, le salaire moyen à la traîne des prix, énergie, le livret A au secours du nucléaire, point d'interrogation. Alors là, enfin, pas de commentaire, vous le ferez vous-même le commentaire. Réfugiés, intégration plus facile en Allemagne. Ah, les Allemands intègrent plus facilement les réfugiés. Ah oui, ils ont eu l'habitude d'accueillir des populations de travailleurs venant de l'étranger. 12 milliards d'euros, le montant du soutien militaire apporte par l'Union européenne à l'Ukraine depuis fin février 2022, 12 milliards d'euros. Je n'ai pas le droit de rentrer chez moi sans résultat, même si cela peut paraître arrogant, ce n'est pas du cynisme de ma part, mais du pragmatisme. Nous avons besoin de ces armes et de cet argent pour survivre. Signé Volodymyr Zelensky à Bruxelles. Alors, presque un an après le début de l'invasion russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame à l'Europe un soutien massif et des avions de combat. Si aucune annonce majeure n'est sortie de ces échanges, en un an, les 27 membres de l'Union européenne ont clairement changé de stratégie, clairement. Je ne sais pas si c'est très clair. Hein. On saura un jour, mais en prison, le travail remet des règles et le chômage. Et le chômage. Les fabricants de chômage, en prison, ou plutôt aux travaux forcés, en public. Barbelé, avec des caméras de surveillance, Schweinerei. Alors, qui pourrait subir ce genre de régime, travaux forcés, en public, en costard, cravate, défense de mettre un habit de travail. Ah non, on met son habit de travail habituel. Eh oui, Hein? Ah oui, oh ben non, mais c'est du théâtre, c'est du courteline, ça. Les collégiens de la web radio face à une professionnelle. Alors, on utilise le mot web. What is it? Web. Is it a French word? Et puis, interview. Interview. Est-ce qu'il y a un mot français pour dire la même chose? Ben, peut-être que le mot entretien voudrait dire la même chose. D'ailleurs, le mot interview, fabriqué en Angleterre, vient du mot français qui a été transformé, déformé par prononciation. Hein, eh oui, à partir de la conquête par un Normand de l'Angleterre qui avait imposé le français comme langue officielle pendant longtemps en Grande-Bretagne, en Angleterre. Oui, voilà. C'était le français la langue officielle à l'époque. Mais bon, il était prononcé comme les gens pouvaient, hein, mais évidemment. Alors, on a créé des mots nouveaux. Alors, comme par exemple... De la même manière, on a créé plus tard le mot interview. Hein, interview. Et oui, c'est le mot entretien, tout simplement. Oui, il y a des mots français pour dire des choses. Ouais, ouais. On a eu des écrivains en France, on a eu des dictionnaires, le Larousse. Il y a 80 ans, la rafle des Juifs à Neuchâtel. Il y a 80 ans se déroulait une des pages sombres de l'histoire locale. Le 10 février 1983, 43, pardon. Les Israélites qui habitaient Neuchâtel étaient convoqués dans les locaux allemands du numéro 5 de la rue Jules Ferry. Ce jour-là, 30 personnes furent arrêtées puis déportées. Faut pas oublier l'histoire. Parce que parfois, elle se rejoue différemment, bien sûr. Les armes ne sont plus les mêmes. Hein. De 43 à 44, il n'y avait pas la bombe atomique. En 45, il y avait déjà la bombe atomique. Et à partir de 45, eh bien, voilà, les choses se sont passées un peu différemment. Et auraient pu tourner au tragique pour l'ensemble de l'humanité en quelques minutes, quelques secondes. Au profit de qui, au détriment de qui, oh quel humour, à la maison d'arrêt des travailleurs comme les autres. Des travailleurs comme les autres. Hein, ceux qui sont en prison, ce sont des travailleurs comme les autres. Hmm. Beaucoup de turnover, un sous-titre, beaucoup de turnover. Alors, il y en a un qui a ajouté au crayon à côté, VAS, point d'interrogation, VARUM, point d'interrogation. Ben oui, on est une radio libre et locale, donc on parle en anglais, hein, naturlich. 27 27% des 269 détenus de la maison d'arrêt d'Épinal occupent un emploi. La moitié de ces employés effectuent des tâches aux services généraux, l'autre moitié travaille à l'atelier pour des donneurs d'ordre extérieurs. Donneurs d'ordre extérieurs. Ça vous rappelle, non. Seulement 10% de la population carcérale a le bac. Voilà. Soit auprès des concessionnaires, c'est-à-dire les entreprises extérieures qui délocalisent une partie de leurs activités dans l'atelier de la maison d'arrêt. Voilà. Alors ça, c'est tout pour les journaux normaux, pour le journal normal, Vosges Matin. Alors maintenant, des informations prises sur Internet. Parce que il y a aussi Internet qui permet de s'informer. Eh oui, chacun de nous peut faire cet effort-là, de s'informer, écouter les radios libres, celles qui sont vraiment libres, et puis, et locales, enfin, même pas locales, libres, hein, et puis Internet. Hein. Jean-Marc Schiappa, le père de la ministre, vous savez, la ministre macronienne, ben lui, il est de gauche, il est resté de gauche, et résolument de gauche. La preuve, copie d'un courrier au PG, mon cher X, j'ai beau tourner et virer, parti de gauche, hein, PG, et prendre le problème par tous les bouts possibles. Les choses sont simples pourtant. Vous m'avez invité à assurer une formation du parti de gauche sur la Révolution française, ce que j'ai accepté. Depuis, vous, le parti de gauche, avez exclu Adrien Quatennens. C'est une décision dégueulasse, humainement et dangereuse politiquement. Cela change fondamentalement les relations entre vous et moi. Me rendre à une initiative du parti de gauche en faisant comme si rien ne s'était passé serait de la plus haute hypocrisie et ce n'est pas mon style. Ce serait être solidaire de votre décision contre Adrien. Or, je suis solidaire d'Adrien contre votre décision. Donc, je ne serai pas à votre école de formation. Et évidemment, si vous réintégrez Adrien, je reconsidérerai ma position. Sincèrement, Jean-Marc Schiappa. Hein? Jean-Marc Schiappa, qui est bien de gauche, vraiment, sincèrement. Et le père, malheureusement, il le regrette, hein, d'une ministre de Macron. Hein? Quelle honte, quand même. C'est triste, hein, quand on a milité toute sa vie à gauche et puis qu'on est trahi par les siens. À mon père, artisan du bâtiment, décédé après 2 ans de retraite, avec votre réforme, il serait mort usé sur un chantier. 2 ans, ce n'est peut-être rien pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. La fourmi, par haine du cafard, vota pour l'insecticide. Ils furent tous anéantis, même le Grillon qui s'était abstenu. Alors, ici, Radio Londres, hein. Tilulite, tilulite. Les Français parlent aux Français. La fourmi, par haine du cafard, vota pour l'insecticide. Ils furent tous anéantis, même le Grillon qui s'était abstenu. Si l'on cède sur les retraites, ils ne s'arrêteront plus. Demain, ce seront les 35 heures, et ensuite les congés payés qui seront attaqués, sans parler de ce qui reste des services publics. Depuis sa privatisation, EDF vend à perte 25% de sa production à 35 intermédiaires qui vous revendent l'électricité en prenant leur commission au passage. Ces 35 prédateurs ne produisent rien. Ils sont un coût supplémentaire sur votre facture, d'où l'augmentation de 50% de l'électricité depuis la privatisation. Renationalisation EDF-GDF, qui avait fait ses preuves sur plus de 50 ans et qui avait été payé par nos parents et nos grands-parents. Le but d'une entreprise nationalisée n'est pas de nourrir des actionnaires, mais de vendre au moindre coût son produit aux citoyens. L'énergie doit redevenir un service public. Ils me font doucement rigoler, ceux qui sautent sur leur chaise comme un cabri en disant « le travail, le travail, le travail ». Aujourd'hui, 60% du patrimoine en France est issu directement ou indirectement de l'héritage. En 1970, c'était 30%, signé Gérard Miller. Fermer des lignes pour sauver la SNCF. Fermer des classes pour sauver l'école. Fermer des lits pour sauver l'hôpital. Que ce gouvernement ferme sa gueule pour sauver la France. Vous n'aimez pas les grèves. Soyez donc cohérents. Refusez les congés payés, la sécurité sociale, la retraite, les allocations familiales, la médecine du travail, le salaire minimum, le repos hebdomadaire, le congé maternité, le paiement des heures supplémentaires, etc., etc. Car tout cela a été obtenu grâce à des grèves, à l'action de chômeurs, de travailleurs, de vieux, de jeunes, qui ont pris des risques et parfois laissé leur vie. Il paraît que même à Monaco, les rues ne sont plus sûres. Les milliardaires n'osent plus sortir le soir. Il y a des millionnaires qui rôdent. 8 février 1962, 8 février 2023, commémoration du 61e anniversaire du massacre au métro Charonne. La manifestation contre les attentats et crimes de l'OAS, organisation d'armée secrète, et pour la paix en Algérie, est sauvagement réprimée par la brigade spéciale de la police placée sous l'autorité directe du préfet de police Maurice Papon. Alors, je ne vais pas lire tout le papier parce qu'il est un peu long, mais Maurice Papon, qui était préfet de police sous les gaullistes, avait eu des responsabilités dans la police entre 1940 et 1945.